sur une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap, Lino. Et c'est parti pour une nouvelle soirée. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Lino est là. C'est parti, Lino. Oui. Lino, comment va? Ça va, voilà. Là, j'ai le micro était un peu en truc. Tu étais censuré d'entrée de jeu, là. C'est quoi ce bordel? Ouais, grave. Bon, tout va bien? Non, ça va. Numéro 1 des ventes. Comment se porte le numéro 1 des ventes? Non, ça va. Non, c'est bien. C'est bien, ce qui se passe. C'est sympa. Il y a du mouvement et c'est bien. On parle de rupture même de stock. Enfin des... Oui, ça rupture les stocks, tout ça, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un engouement. C'est pas normal. L'annonce que j'ai faite. C'est pas normal, il est bon, c'est normal. Peut-être que l'annonce que j'ai. Non, mais il faudrait plus de stock, c'est ça que je veux dire. C'est vrai qu'hier, tu as lancé une annonce en disant prenez-vous en photo avec l'album. C'est très important pour lancer le truc, puisque les gens aiment squatter sur Internet. Prenez-vous en photo. Et après, Lino viendra chanter dans votre salon. Ça, je le garantis. Quelques concerts de prévu jusqu'en 2022, hein, Lino. Ah ouais, si tu vas chanter dans le salon de tout le monde. J'étais pas au courant. Tous ceux qui ont acheté l'album. Ça dépendra du tarif. Et ben c'est pour l'achat de l'album. Donc prenez-vous en photo, n'hésitez pas à envoyer là ici maintenant ou alors sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Allez-y, 41759, le Skyrock FM avec le hashtag Lino sur Skyrock. Tefaila, alias Maître. Maître Sean Bachelor, dit l'huissier de justice. L'huissier de justice qui pourrait contrôler justement les ventes. On en est où sur les ventes, Tefa? Ça se passe bien, t'es content aussi? Ouais, on est très content. Mmh. C'est incroyable. D'ailleurs, merci à tous. C'est de la folie. Moi je suis touché. Il y a vraiment des ruptures de stock. On reçoit des rayons vides. Faut en remettre, les gars. Ah, ça y est, c'est parti. Bon, c'est parti. Alors, si vous l'avez pas trouvé dans les magasins, là, dans les 24-48 heures, c'est fait, hein, Tefa. Ouais, là, on peut y retourner demain. On fera du Lino. C'est reparti. Allez faire un tour. Sinon, il y a Tequila qui est dans le coffre de sa voiture qui vont décéder. Mais ça revient à la famille, c'est pareil. Si vous croisez Tequila, pareil, n'hésitez pas. Et avant d'attaquer ce Planète Rap, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Monsieur Lino est là pour sa deuxième semaine dans Planète Rap. Yes. Bienvenue Lino. Buenas noches. Cycle de paria, les rats des blocs hors de monde. Wolfgang, ça reste basique, les rats des blocs hors de monde. La bonne nouvelle, c'est que l'album est sorti aujourd'hui. Ouais, ça y est, et qu'il est numéro 1. Oui, voilà, on m'a dit ça. Ah, t'as pas regardé? Non, j'ai regardé. Planet Rap. Je chante pour les grands, je véhicule mes idées sans frein. Je fais des films pour un peuple où on meurt pas à la fin. Je viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. Je passe aux arbres sur un gros son, la loi en enfreint. Je marche sur l'écran, je véhicule mes idées sans frein. Je fais des films pour un aveugle où on meurt pas à la fin. Je viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans parfum. J'avais du mal à cracher ma frustration, maintenant j'ai un flingue. Je vais venger mon épiderme loin des MC qui supplie. Ma patate vient de gorer en passant par le Mississippi. Moi j'ai le cœur, c'est un moteur Panamera. Et je rejoue la fin de Scarface à jeun avec de meilleures caméras. Il y a mon prof de tennis, il m'a envoyé une photo, elle est magnifique. Back la raquette. Ah, t'es un prof de tennis. Il joue au tennis. Tu l'as présenté, il fait partie de l'album. Ouais, il fait partie des invités sur l'album. Qui est là. C'était hier soir dans Planète Rap. Critère, en finir dans le fréquouze. Vraie douze, visière pesée, claquée dans la grégouze. Cacher la foudre, monsieur passe dans les bras. Finir hors piste. On n'est jamais mieux servi que par son gros fils. Frère. C'est dans les bacs, amont. Wesh, Niro. Tous les jours, frère. Yeah. Planet Rap. Planet Rap.

l'a amorcé. Le fils est insomniaque, y'a des traces de piqûres sur les bras de Morphée. Le game est truqué, ils veulent que je mette un bémol. Tous hypnotisés par l'écran, éduqués par un démon. Des questions connes sans réponse, savent plus quel dieu invoquer. Surtout ne pas se poser les bonnes, comme à quoi ça sert de voter. Encore à moins qu'ils fassent un putain de froid polaire. En enfer, je sais que c'est les fous qui ont raison. Je fais confiance qu'aux hommes en colère. Les saisons crèvent, on chie pas de vif. Alors on rêve une fois dans le sas, braquer un peu de griffe. Je lis l'évangile selon Goldman et Sachs. Dis-moi à quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi à quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. De rêve et de cendre, à l'instant extrait l'album de Lino, l'album numéro 1 des ventes, c'est celui de Lino, il s'appelle Requiem. On salue Manon d'ailleurs qui est présente sur son morceau à tes côtés. Yes. Lino, ouais. Et avant de mettre, qu'est-ce qu'on va mettre d'ailleurs comme titre dans un instant, Lino? Petite idée, petite envie particulière? Un instant tout de suite là? Non, dans quelques minutes. Parce que j'ai une option pour réfléchir ou pas? Tu as une option pour réfléchir. D'accord. J'ai un petit jeu, un petit quiz, ça va être chacun pour sa gueule. Ah ouais, Tefa, Calbo, Doku aussi va jouer. Et Lino. On le sait tous, le jeu est très simple, c'est le jeu de la punchline. Puisque Lino est, comment on pourrait dire, Tefa, le meilleur parmi toutes les générations confondues, non? Wow. À ce qui paraît. Wow. Non, je suis un des meilleurs. Un des meilleurs. Quelle classe en plus, il y a cette humilité. Un des meilleurs, il y a des très bons. Eh bien, le jeu est simple, il faut reconnaître les punchlines que je vous donne maintenant. De ma voix, donc il faut essayer de restituer un peu le morceau. C'est qui? C'est que moi ou c'est... Ah non, il faut nous dire qui c'est, quel artiste c'est, quel groupe, quel artiste, de quel punchline est extrait ce que je vais vous donner maintenant. Vas-y, on va voir. Hein. Chacun pour sa gueule, hein. Calbo prêt ou pas? Oui. Mes potos, tiens, punchline d'actualité, pourtant elle a été écrite il y a un bon petit moment. Mes potos sont chrétiens, musulmans ou portent la kippa, chez nous, il n'y a pas de racistes. François Hollande. C'est pas Kerry. C'est Kerry. Non. C'est une. Bah, font partie des rappeurs de la première génération, hein, ceux qui sont arrivés au tout début. Je la redonne. Mes potos sont chrétiens, musulmans, portent la kippa. Chez nous, il n'y a pas de racistes. C'est pas un squat, ça? Non. Bon, vous donnez votre langue au chat. Je l'ai pas, là, je donne le. Là, tiens, réponse tout de suite. La langue à la Gucci. On pas une équipe, mais un équipage. Mes potos sont chrétiens, musulmans, ou Zoxy, pas Zoxy. Nous, pas ah, d'accord. Ah, ouais, c'est ça, je pense. Zoxy, qu'on écoutait à l'instant. Bon, pas de point pour. Pas de point. Bon, alors, celui-ci, à mon avis, ça va aller très vite. Ouais. Ça va aller très très vite, celui-ci. Tout le monde est prêt? Rien à foutre d'être une star, d'attendre que le temps passe. Elles s'éteignent, les stars, un jour ou l'autre. On les remplace. C'est Youssoufa, ça. Non, Tefa, tu trouves pas, franchement, t'as le bonnet d'âne de la soirée. Attends. Là, rien à foutre d'être une star, d'attendre que le temps passe, elle s'éteigne les stars un jour ou l'autre. Ah, c'est Diams. Ah oui. C'est cette putain de cicatrice qui me perd. Rien à foutre d'être une star. Ah ouais, non. Attends. Ah ouais, non. Oui. Ah ouais, la honte. Mais c'est dur de la sortir. C'est dur de la sortir. C'est dur que je fais, hein. Mais c'est ça, hors contexte. Rappelez. Et c'est la difficulté du jeu. Rappele Fred, quand tu le dis, c'est bizarre. Je pourrais jamais rapper comme Diable, ça. Petite banlieue, un petit souvenir d'ailleurs sur ce morceau, Tefa. Bah ouais, t'étais avec nous. Bah je sais, c'est pour ça que je dis ça. Souvenir en studio incroyable avec Diams. Ouais, c'était de la bombe. Ouais. D'ailleurs, je la big up fort. Ouais, on l'embrasse fort, on lui ouais, fait. Ouais, grave. Un très gros bisou à Diams qu'on écoutait à l'instant. Alors attention, maintenant, troisième pour l'instant, un point pour Tefa. Ah, mais c'est mon frère. C'est de la triche, c'est trop facile. C'est dur ton truc, mon frère. Alors attention. J'utilise les mots de tout le monde, mais moi j'écris comme personne. C'est Youssoufa. Oh, un point. C'est normal si ça t'impressionne, car j'utilise les mots de tout le monde, mais moi j'écris comme personne. En effet, le morceau qui s'appelle Poids Plume, bravo, oui, un point pour Lino. Lino relève la merci, tête. Merci, j'ai eu peur. J'ai t'as pas zezeté. J'ai cru que j'allais passer pour un sgay. C'était ma deuxième option, j'allais le faire avec le cheveu sur la langue. Bah, si vous ne croyez pas, mais Lino était plus rapide. Attention, on continue, un point pour Tefa, un point pour Lino. Du coup, on attend la réponse, Calbo aussi. Hein. Dis-moi. Le husky, c'est un chien de traîneau. Le chihuahua, c'est un chien de traînée. Ça, c'est 7 geckos. Croire quoi pour être charmant ou pour être aimé. Le 7. Husky, c'est un chien de traîneau. Le chihuahua, Bigger c'est un pas 7 geckos aussi. Voilà. Yeah. Ouais, avec qui j'ai bossé aussi. On aura dû faire un truc, mais bon, on a un truc en stock là qui est. Ouais, j'ai demandé, il n'y a pas lourd, eu avec 7 geckos. Avait... Si, il y a un truc, mais pour différentes raisons, c'était un peu mystique. Mais non, on a un truc en stock et le frère Big Up à lui, c'est un gars que j'aime beaucoup. Ah, ils ont fait un titre de fou. C'est vrai. Mais il n'était pas abouti, mais c'est un titre. Mais il arrivera. Ouais. Ouais, il va arriver quoi qu'il arrive. Big Up à 7, c'est un gars que j'aime bien. Et bah, 2-1. Il tue dans la punchline. 2-1 pour Lino actuellement. Avant-dernière proposition. Je bois la vie au goulot, continue mon boulot, j'arrêterai une fois que je serai joué par Pascal et Bounod. Oulala. Merde. Bah, ça, c'est récent. Bah, c'est très récent. Tu l'as lu comme ça. Merde. Je bois la vie au goulot, continue mon boulot, j'arrêterai une fois que je serai joué par Pascal et Bounod. Pascal, c'est qui Pascal? Nègre. Ah d'accord. Mais Pascal Nègre, il joue rien. Bah ouais, mais bon. C'est pas. Ah d'accord. Non. C'est récent. Il vient du nord de la France. Petit indice. C'est Médine. Il fait beaucoup parler de Gradure. Ah bravo. Ah d'accord. Je bois la vie au boulot, continue mon boulot, j'arrêterai une fois que je serai joué par Pascal et Bounod. Morceau qui s'appelle Jamais. T'aimes bien toi Gradure Lino? Ouais, t'apprécies Moi j'aime tous les frères. Vous êtes à 2-2 donc. Ce qu'on va faire, on va remettre les compteurs à zéro. On va remettre les compteurs à zéro avec cette dernière proposition. C'est celui qui gagne, il a gagné. Il a tout gagné. Et là, gagne quoi en fait? Le magnifique t-shirt que j'ai que porté. Il est bien ce truc. Alors, ça va aller très vite. Lino. C'est quoi j'ai gagné. Vas-y, les vrais amis se font rares comme les puces à Saint-Denis. Voilà. Bah voilà, tu vois. Non, c'est. Là, c'est l'expérience. Lino attaque, allume un cierge pour ses ennemis. Les vrais amis se font rares comme les puces à rue Saint-Denis. Arsenic. Rien que j'ai regardé ta tête, Arsenic. J'ai eu la réponse. Quelques gouttes suffisent. Allez, on va dire que c'est Calbo. Bravo, Calbo. Merci, t'as vu. Tu as défié. Ah, mais c'est bien rien. Ça. L'expérience. On peut développer un peu. Il y a des trucs. Hein. Le blind test. Tu voudras faire d'autres quiz encore dans la semaine? Moi, j'aime bien ça. Et ben, on en aura un autre dans la semaine. On en prépare un autre pour toi. Ouais, sur les dessins animés des années 80. Je suis intraitable. Sur quoi comme quiz? Quel quiz te ferait plaisir, Lino? Un truc où tu peux exceller. Quiz musical. Ciné. Comme il a dit, dessins animés 80, cinéma, tout ce que tu veux. Non, mais vraiment dessins animés 80? Course, au piqué, tout ça, les conneries comme ça. Ok, on va réfléchir. Peut-être dessin animé 80, ça. Voilà. Tandy, Jeanne et Serge, Juliette, je t'aime. Olivier Tom, 4 épisodes pour un but. Non, moi, c'est que les Princesse Sarah. Goldorak. Ouais. Ah, ben là, ouais, bien sûr. Cobra. Balance-moi tout, j'ai tout. Tom Sawyer. Toute cette grande époque. Uncle Berry Finn. Comment ça s'appelait aussi les cités d'or? Les cités d'or. Soyons sérieux. Et celui qui gagne, il le chante, attention. Voilà, les psychiatres, ils avaient samplé. Ils avaient samplé, ouais, avec la voix d'ailleurs, incroyable, des cités d'or. De qui? Tao ou Esteban? Allez, sur Skyrock, on va écouter un morceau. Est-ce que tu as réfléchi pendant ce quiz, Lino, quel morceau on met de l'album Requiem? Merde, on est dans. Ah, ou peut-être Maître. On va passer notre temps à rire, attends. Ah non, tu. Une seconde. Ah, Faute de Français, non, vous êtes. Vous faites en live, Faute de Français. Ouais. On a mis VLB? Oui, bah attends, on peut peut-être mettre un qu'on n'a pas encore mis, Lino. Bon, on va mettre le 7 milliards sous le ciel. Ah, bien, c'est magnifique. Avec Zao. Magnifique morceau. Et Youssoufa, ouais, c'est un morceau bonbon. Ouais. Un des très gros morceaux. Ah, comment il est né celui-ci, Lino classique, on m'a balancé un son. Et j'ai fait mon truc et j'entendais. Parce que souvent, moi, je travaille comme ça. Quand j'entends la prod, j'entends l'artiste. Donc j'entendais Youssoufa sur la prod. Ah ouais? Vraiment? Et Zao au refrain. Donc j'ai appelé les frères et les sœurs et ça donnait ce truc qui est un bonbon pour moi. J'aime ce titre. C'est un des meilleurs titres c'est un des titres que je préfère. Réagissez 41-7-5. Big up à Greg K qui a fait le son avec nous. Et à Zao et à Youssoufa. Zao. Merci. Et dites-nous d'ailleurs vos morceaux préférés de l'album Requiem de Lino. 41759, le hashtag Lino sur Skyrock. Gros morceau de l'album, album numéro 1 des ventes. Lino est là tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Moins d'espace, le monde tourne, on fait du surplace. Plus de réseaux, moins on se parle vraiment. On kiffe en surface, l'enfer c'est les autres dans ce paradis de ciment. Plus on apprend, moins on sait, plus on le dit. Moins on sème des villes à trans ou 30 scènes des bâtiments. On saigne, y'a plus de remèdes et moins de guérison. Trop de merde, plus de chaînes de télé et moins de vision. Plus de corps mêlés, de chair, plus de sexe et moins d'envie. On se tue à gagner sa vie sans la vibre. Je me cherche plus de technologie et moins de temps. Plus d'ogives, de tanks, moins de logique, plus de printemps. Plus de strass, moins de héros, moins de réel, trop de reality show. À l'échelle de la planète, on est des rêves, des petites choses. 7 milliards sous le ciel, à vivre ou à faire semblant. On tombe, on se lève, on danse, on vibre en attendant. Salam, à mes ancêtres, salam. 7 milliards sous un ciel artificiel, salam. Et plus on saigne et moins on sème et le potentiel, salam. Plus on enseigne et moins l'amour est essentiel, salam. Plus de procédures, moins d'objectifs, plus de murs, plus de disques durs et moins de mémoire collective. Je m'en fous de ce qu'ils disent, fuck leur icône, pour moi c'est kiff kiff. Plus de jif kiff, moins de Biggie Small. Plus de roulettes russes, moins de glamour, moins d'héritage. Plus de virus, moins d'amour, plus de VIH. Plus de lâches, moins de risques forts. Plus de clash, plus de disques d'or. Beaucoup moins de disques d'hommes. Plus de calme dans mon verre, moins d'expérience. Je me vide, plus de diamants dans mon bled. Moins d'espérance, de vie. Plus de boss, moins de paris sous les bombes. Plus de single bof, moins de monsieur Bors sur les ondes. Le morceau s'appelle 7 milliards sous le ciel avec Zao, avec Youssoupha qui est passé aussi la semaine dernière, nous faire un petit coucou et on salue Zao également qui est présente. Non, tu parlais. Vas-y. Mais non, mais je t'ai entendu. Non, moi, je marmonne, c'est la caisse que tu dis. T'as entendu marmonner un truc. Quand je marmonne, ça veut dire que c'est bon. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose. Non, fini. Non, magnifique morceau, franchement. Il m'a laissé tout fini, il y a un flottement là, fini. Je sais pas quel bois. Morceau magnifique. Normalement, tu dois enchaîner. J'y vais. 7 milliards sous le ciel. Le morceau extrait de l'album. L'album qui, je le rappelle, est numéro 1 des ventes. C'est lui, il est là tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Voilà, ça fait plaisir. Non, mais c'est beau, c'est fait toujours plaisir. Bien sûr, ça fait plaisir. Pas que pour flatter l'ego, mais c'est vrai que. Non, ça fait plaisir, c'est l'aboutissement du travail. On a bossé dessus déjà depuis un bon bout de temps. Ça faisait un moment qu'on l'attendait, cet album. 3-4 semaines, j'ai bossé dessus. C'était assez rapide, mais. J'ai pas l'impression que Maître Chamberlain soit d'accord. Ouais, voilà. 3 semaines, 2 ans. Et 7 mois. C'est... Non, mais bon, si c'est pour accoucher d'un truc sérieux, ça va. Mm-hmm. Et ben, on va le découvrir, ce truc sérieux aussi, toute la semaine, encore entre 20 et 21. On va mettre d'autres morceaux, et puis on a un petit coup de fil là aussi à passer dans quelques minutes. Tu es au courant, il y a quelqu'un qui veut te parler. Ah, ça, je savais pas. Ah, tu sais pas ? Même pas. Elle est pas au courant? Non. Ah, bah, on va maintenir le non, surprise. On va arrêter vos trucs bizarres. Vous. Surprise. C'est qui? C'est un mec. C'est Jean-Pierre. C'est un mec à qui je dois de l'oseille. Eh bien, on lui posera la question dans quelques minutes. Ne bougez pas. Doku est là aussi. Vous ferez un live avec Doku tout à l'heure. Pareil. Ouais, ça, c'est un des gros morceaux aussi de l'album, celui-ci, qui s'appelle Faute de français. Yes. On pourra le découvrir dans un instant en live avec Doku qui est là aussi. Bougez pas, on revient après ça. Comme toi. Lino a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Et l'album s'appelle Requiem, on le découvre ce soir encore entre 20 et 21 sur Skyrock. Je le disais juste avant la pub, normalement, Lino, si tout se passe bien, il y a une petite surprise pour toi par téléphone. Sérieux? Un petit peu, tu parlais des années 80 comme à la grande époque de Sacrée Soirée, pour ceux qui ont connu cette émission. Oh, putain, vous allez me sentir qui là? Ça dit quoi? Ah, dans quelques minutes, ça arrive. La surprise arrive dans quelques minutes par téléphone. Surprise ou pas, d'ailleurs. Ouais, je te sens inquiet, dis non. Ah, ça dépend, parce que je dois beaucoup d'oseille à des mecs. C'est vrai que... Non, je rigole. Eh ben, écoute, on va savoir. Non, j'aime bien les surprises, c'est bien. Mais je sais que tu aimes ça. Dans un instant, par téléphone, 41-7-5-9 aussi pour agir. Et vous nous envoyez aussi vos morceaux préférés de l'album qui est sorti lundi, hier. Qu'est-ce qu'on met, nous, en attendant, Lino, cette petite surprise? Là, on est parti encore sur un truc. Amène-moi le gars, parce que je sais plus, moi, je... Tu sais plus le nom des morceaux. Ouais. Là, on n'était pas... Là, on a tout mis, là, les frères. On n'a rien mis encore. Bah, tu rigoles ou quoi? On a tout mis. Le harceur, on l'a mis. Non. Attendez. Faut garder des douilles, les frères. Calmons-nous. Là, on était le truc. Non, on va remettre un titre. Non, on va se faire un petit VLB quand même. Ah, ouais. Ouais, ça j'aime bien. Je crois que c'est validé par tout le monde. Ouais, faisons un petit VLB. VLB pour Villiers le Bel, c'est ce qu'on écoute maintenant. Yes. Et c'est extrait de l'album de Lino Requiem. VAL 2h, gosse suspect, béton camouflage. J'vois les flics à 3h, occupe les vides, ça sent l'outrage. Même sans taser, y'a de l'ambiance électrique. Écraseur de crâne de grec fric, le béton crame en réplique, on les calme, lève le majeur. Enlève, faut miguer les rageurs. Faut sortir le croco. Chargeur plein dans les locaux, naseur, un autre truc, prend de la laser. Le filtre est maroco. La 90 Air Max, la joue Kaiser. Sauce, les vies maroco. J'rappe à la faveur des halls explosés de nos villes locaux. Sixième chaudron. Le 8-6 Bavaria, alcool blanc rouge, navigator. Guerreville, si commissariat, lâche la colle, donne le spliff, son navigator. Y'a des boulettes, oui. Survêtre, roule garrousse. Roule, fais les fils du carrosse, 20 gourettes. Y'a Châtelet, racole, 3 quarts cuir et paulette, j'puis envie, ça s'arrose. CM Weston, Scott Cosmos, Kaya 90. La police questionne, on dit rien, c'est violent, mais c'est pas elle. Elle est à ta machine. Soir et coupe-gorge. Descente à ER, des coups, gorge. Mon puissant, pile en bruit, prends glissant, tu seras poil. T'en couille ta merde, t'es high. 9, 5. Wesh le teuf. Yes. Zach Laman. PLM Star. Cartonné blanche basket, Fred Cartier, monture en bois. Lancé fly jacket, rat de quartier, tricard. Traîne toujours en bois. Caro. Chirac. Manapani, l'escalade. Et l'équipe à l'ancienne. Cascade. Dans l'équipe, reste pas là. Si tu portes Calcani, Elion, Tseng. Bang, bang. Classique, one boot. Tu peux te faire droiter si tu l'abîmes. Ah, le coin est gâté, bip bip. Moi je te rappelle si je trouve une cabine. Je te paye si je trouve une combine. Sur la tête de mon pauvre Lacoste. Viens, on va s'ambiancer. Combine, pose négro, faut arranger l'extincteur et la crosse. J'ai la haine, toi, Billie Jean. Billie Jean. Quand on dévisse les baskets blanches vidées. La bosse. Bang. BLM, Taro, Jack Laman. On est ensemble, frère. Yes. Get star. Kaira dans le sang, on peut pas. Où se met ton? Non. On a dans le sang, on peut pas changer. Vidage? Non. Kaira dans le sang, on peut le coach pas Mourinho? Non. On a bang! Le sang, on peut pas bang! Sixième chaudron. Yes, monsieur Paps. Papou. Le Pape, c'est là aussi. Joe Popo. César. Joe. Le Brise. Léon. Red Nose. Bruno. Richie Bonap. Edric Chabodou. Jamadom. Jama. PLB à l'instant, c'est extrait de l'album Requiem, l'album de Lino qu'on découvre cette semaine. Yeah. Elle est déjà repartie, t'es qu'il est arrivé, elle est repartie. Il est venu, il a baqué le morceau et puis il je sers. Oh, je suis là, je suis là. Bon, ça va? Au calme, ma barbe grise, il fait chaud. Je sors de la douche, t'as vu? Eh ben, parfait. Parfumé. Parfait. BSK. Chaleur. Bon, c'est Skyrock et c'est Planète Rap consacré à Lino. Est-ce qu'on a la surprise par téléphone cette fois-ci? Ah, voilà. Lino, alors attention. Vas-y, j'écoute, hein. Allô, allô, allô. Oui. Normalement, tu reconnais dès les premières intonations des premiers. Non, fais-le parce que j'ai pas capté. Alors attention, silence. Ouais, la famille, c'est un truc de bon temps. Ah bah. Oh là là. Est-ce que c'est un mec à qui tu dois de l'argent? Oh là là, non. Oh le frère. Ça va ou quoi? C'est Fiu. Avec nous, ça va bien. Ça va, monsieur, c'est Fiu. Oui, ça roule, mon pote. Ça fait longtemps, frère. Ouais, ça fait un bas, écoute, moi je te suis de loin, Wolfgang, tout ça, tu vois, quand on suit les titres, et puis franchement, c'est du très très très lourd, frère. Ça c'est va, du très très bon ce que tu fais. Ça fait très très plaisir que tu viens, que tu sois venu réanimer un petit peu le Peura, t'as vu? Ça va, merci poto. Bah oui, j'allais te demander, c'est Fiu, pourquoi tu passes un petit coup de fil dans le Planète Rap de Lino, c'était voilà, pour saluer l'album Requiem. Bah écoute, déjà c'est pour saluer déjà bonsoir à tous, hein. Bonsoir à Fred, bonsoir, à toute l'équipe. Il y a Calbo, il y a Tefa, il y a Tequila, c'est Fiu, tu es wanted, c'est Fiu. Laisse tomber, c'est Fiu, tu es wanted, c'est Fiu. Il y a Tex, il doit être sur le Tex. Je te recherche, mon ami. Tex, il doit être dans les parages, à mon avis. Je sais qu'il me cherche. Il est là, il est là. Il arrive en nez tout à l'heure. Non, on m'a dit ça. Là, il faut que je me planque. Non, mon ami. Il y a un contrat sur ta tête, sur ta barbe. Yes. Bon, donc ouais, c'est Fiu, revenons justement à cet album dont tu parlais, l'album de Lino Requiem que t'as suivi donc de loin, parce que t'es pas sur l'album, hein, c'est Fiu. Il n'a pas voulu m'inviter. Mais non, c'est pas ça. Une oreillette m'a dit qu'il y a quand même un morceau que j'ai fait en commun. On a un titre, on a fait un titre avec Kerry James, qui était un putain de titre avec Fiu et Kerry, et qui est jamais sorti. Mais comme des fois, il y a toujours des trucs comme ça, mais. C'est pas, ça peut sortir. Bon, pour l'instant, il est dans un coffre fort, le morceau. Ouais, on a un coffre plein de pépites mystiques. Ouais, c'est un putain de morceau. Ouais. Le morceau, il est sous-scellé pour le moment. Tu vois, c'est vrai que c'était un bon morceau. Il y avait une bonne vibe dans le studio. Il y avait une bonne compète. On va dire une compétition saine dans le studio. Scène. C'était bien. Ouais. Ah, donc, ça rappelle des bons souvenirs. Mais bon, comme je disais, voilà, Lino, c'est. Pour moi, c'est de la même trempe que tous les gros artistes qui ont fait l'histoire du rap. Et aujourd'hui, je pense qu'il fallait, depuis l'époque, il fallait que Lino y revienne, il fallait qu'Arsenic soit au rendez-vous, le sixième chaudron depuis l'époque. C'est des mecs qui sont là depuis longtemps et qui ont fait la plus le beau temps dans le rap. Et voilà, il fallait que Lino puisse, au moins un des membres du sixième chaudron puisse revenir et mettre le compteur à zéro. Et voilà, ça fait super plaisir que le 95 soit à nouveau représenté de fort et belle manière. Et dis donc, c'est pour moi, voilà, c'est un exemple. Hein. C'est des mecs qui étaient là bien avant moi. C'est des mecs qui ont fait leurs preuves. C'est des mecs que j'ai écoutés, qui m'ont inspiré. L'album d'Arsenic, le premier, c'est un classique du rap français. Mm-hmm. C'est des albums que j'ai écoutés, réécoutés. Même à l'époque, quand je jouais au foot, j'allais aux entraînements avec l'album dans le casque. Voilà, c'est des classiques qu'il fallait remettre au goût du jour. Et ça fait super plaisir. Ça fait d'autant plaisir que il y a Doku qui fait partie de. Il est là ce soir en plus. Voilà, big up à Doku, big up à Rouen, à tous les frères de Rouen et d'autant plus qu'il fait partie de ma structure M4G. Et donc exactement. Voilà, gros big up à lui, gros big up à Bibi, qui est aussi dans les parages. Hein. Donc mon frérot qui est là et big up à toutes les personnes, à toutes les personnes. Big up à toutes les personnes qui sont là, qui sont autour de la table, la famille. Yeah. Hein. Et alors toi, on parlait de gens qui reviennent, on en est où, Sefio? Sur le retour. Non, moi tranquille, tu vois, là je suis au calme pépère. Tranquille, comment ça, c'est quoi? J'ai l'impression d'entendre ça Lino. Ça veut dire quoi? Non mais parce qu'il faut déchiffrer, ça veut dire quoi tranquille au calme pépère? Non, ça veut dire que je m'occupe des personnes qui me préoccupent. Ouais. Je m'occupe des gens qui me préoccupent. Donc pas d'album ou quoi? Comment ça se passe? Bah écoute, pour le moment, je suis en train de revenir tout petit à petit, tu vois, tranquillement. Je me remets un petit peu dedans. C'est un truc où t'as tendance un petit peu à t'éloigner de la réalité de temps en temps, et parfois t'as un petit peu tendance à perdre le fil, tu vois. Il y a pas mal de paramètres autour de toi qui, parfois des gens qui te font croire que t'es dans une bulle, que t'es dans un autre monde, et des fois t'as tendance à oublier des choses essentielles. Et donc, il fallait que je revienne à tout ça, quoi. Il fallait que je revienne à des choses, à des bases et à revenir à. La famille, les valeurs qui sont importantes. J'ai envie de te dire un petit peu comme Lino, hein, c'est ce que tu nous expliquais en disant voilà, il a fallu vivre un petit peu. Oui, bien sûr, c'est important. S'occuper des siens. Il faut pas rester focalisé que sur la musique, mais après ça te nourrit et ça fait un tout. Ça ne peut que donner de la meilleure musique. Une fois que tu t'es bien construit aussi, c'est important. Il faut pas rester focalisé sur l'art. J'ai envie de dire à Sefio, quand tu auras retrouvé la mèche, j'espère que tu nous referas une bombe. Oh, joli jeu de mots de Calbo. Ça c'est ton calme. Le truc c'est que voilà, on va moi je fais des choses à l'instant et quand je sens les choses, j'y vais à fond. Et là bon, durant cette période j'étais plus sur autre chose, des choses beaucoup plus importantes que ce monde superficiel dans lequel on est, avec pas mal de paillettes, pas mal de choses qui ne reflètent pas la réalité. Donc j'avais besoin de prendre un peu de recul. Donc de souffler un peu. De faire autre chose. Et puis voilà, ça fait plaisir en tout cas que Lino il soit là. Et voilà, on est là pour Lino. Moi j'appelle pour lui, j'appelle pour le 6ème chaudron 95. Merci. J'appelle pour les Pexoul, pour les Tequila, pour. voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour tous les frérots que j'appelle, c'est pour tous ces vrais gars, ces mecs que je respecte. Ces mecs avec qui, j'oublie pas qu'avec Tex, on a fait un putain de morceau sur le Rodix Oxmo. Bien sûr. Fait Fiction. Et voilà, c'était des morceaux qui m'ont construit. Et donc voilà, pick up à eux, pick up à tous ceux qui sont là et tous ceux qui poussent Lino, qui poussent le produit, qui poussent l'artiste. Donc voilà. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci frère pour l'appel. Et voilà, t'inquiète. Et on t'attend. Si jamais t'as envie de revenir, on est là, t'inquiète pas. Il n'y a pas de soucis. Réponds à ton téléphone, le frère. Arrête tes conneries. Merci à toi, Sefio, d'avoir été avec nous. Merci, Sefio. Merci, à très vite. Ciao, à l'instant. Belle surprise, alors, Lino. Yes, voilà. Sefio, c'est un gars qu'on a kiffé aussi, qui est arrivé avec du lourd dès le départ. Et voilà quoi, la vie qui va avec tout ça, c'est du gros classique. Dans un instant, voilà, il a fait des vrais albums. Dans un instant, il y a live avec Lino, avec Doku. Juste avant, il y a Marocco de Valence par téléphone. Salut Marocco. Salut, ça va Fred? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Hein, et je te présente un peu tout le monde, Lino, Calbo, Doku, Teufa. Ah ouais, si. Oh, Lino, big up. Yes, merci. Est-ce que tu as l'album Marocco? Est-ce que tu as été récupérer l'album Requiem? Non, pas encore, mais il faut vraiment que je le pêche. Il faut y aller, Marocco. C'est la base. Et tu fais une photo avec. Voilà, du côté de Valence. Et en tout cas, cette semaine aussi pour toi, Marocco, tiens, ça te donnera peut-être une motivation encore plus pour y aller. Tu repars à l'occasion de la sortie du film Sous X, un film qui sort demain un peu partout en France, à Valence et dans toute la France. Tu repars avec une tablette Samsung Galaxy Tab 4. Ça fait plaisir. On t'écoute rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone, c'est parti. Et Lino va avoir les ouïes grandes ouvertes. Il y a des fous partout, comme dirait ce tapin. Les tensions dures me cassent les couilles comme la barre dès le matin. Je veux la porter le butin, quitte à béton, dégaine des rimes au coup de peupon. Car pépin, à peine les pimpons. La vie c'est pas facile, pas comme ta rhum, tous tarés, je tourne en rond, donc rien à foutre de leur racine carrée. Les profs m'ont dit, petit, la réussite n'est pas transmissible, vu que ta couleur n'est pas translucide. Le boule entre deux chaises, m'a aucun foncé, trop foncé pour être français, donc je suis pas compté. Les amitiés trop boutonneuses, je suis plus sûr qui compter. Et vu que les potes sucent des bites, les amitiés s'effritent, né dans un monde de buffet cheat. Donc ça fuck les flics, caractère électrique, mets pas le nez dans mes affaires, frère, où tu verras comment commence une guerre. Les rappeurs, je viens détailler, certains MC font les voyous, à quoi ça sert de racailler, vos sons ne valent pas un caillou, rey. Le rap une tous part depuis le featuring pour tous. Bite à la place du mic et sous le bureau ça souffre. Prends mon son comme un hameçon, guise d'écouteur garçon. C'est pas lunatique mais Marocco qui te met la pression. Sur le son attention, nouvelle génération, froid comme des glaçons. On a tellement tenu les murs qu'on sait devenir maçon. Ramasser du bif, ça on veut. Souvent c'est comme on peut, pas comme on veut, c'est l'enjeu. Yeah. À la Marocco à l'instant, Lino. Yes. Réaction tout de suite. La vie, c'est pas facile comme ta rhum. Lino. Ouais. Je t'ai envoyé hier mon tout dernier freestyle en message privé sur ta page. Si t'as le temps. Alors, je vais rappeler quand même ce qu'on disait hier, Marocco. Juste un truc, c'est qu'il est pas tout le temps. Il a des gens qui s'occupent des réseaux sociaux. Ouais, oui, moi je donc, le de fais. Temps de temps en temps, il le fait. Mais je vais plus m'y mettre un peu. J'étais un peu, tu vois, un peu à gauche, un peu. Mais je vais un peu plus m'y mettre. Donc tu retrouveras peut-être le freestyle de Marocco. Ouais, mais on va regarder ça rapidement, frère. Non, bah si, ça fait plaisir. En tout cas, ma page Facebook, c'est Marocco 26. Et je voulais faire une dédicace t'es à tous Maroc ceux qui me soutiennent. Ouais. Non. Pourquoi? Vas-y, non, vas-y, on t'écoute Maroc. À tous ceux qui me soutiennent, et gros big up à toute la team, à G, Billy, toute l'équipe, tous ceux qui me supportent et tous ceux qui sont en train de liker la page et de faire avancer les choses. Yes. Et bah merci à toi Maroc et la tablette Samsung Galaxy Tab 4 à l'occasion de la sortie du film Sous X avec la bande son signée Cut Killer, c'est pour toi. Merci. Ciao Maroc. Allez, ciao. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant? Lino, Doku, il m'a l'air bien chaud. Lino, toujours je sais prêt. Pas, oui. On est bon. Prêt? Vas-y, go ahead. Y'a qui Noise qui est au platine? Noise, t'as un truc? C'est toi qui balance. T'as l'instru? Qui balance l'inferno, Noise? Allez, c'est parti. Live dans Planète Rap. Requiem dans les bacs. Faute de français. Faut aller l'acheter. Monsieur Bors, Doku. Yeah! On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. Se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas. Je roule sur la marge. Je vis en parenthèse, l'encre coule sur la page, je repars en 16, je marche, je suis seul dans la foule, j'ai mon héritage sur l'épiderme, ma tour 10 étages, j'écrivais ses viternes. Avancer sans la virgule, avec nos accents aigus, où la montée au circule, ma voix sans le vécu. L'écran allume les passions, sous tension, comment tu veux qu'on se comprenne quand c'est TF1 qui fait les présentations? Des points d'interrogation, est-ce qu'on peut blâmer la misère? Partout la crise a besoin de bouc émissaire. Un retour à Babel, t'en passes trop vite, j'écris. J'convite civilisation, à qui profite le crime? La raison manque à l'appel, on sait même plus qui a tort. La religion fait diversion pendant qu'on chute à l'appel. Saute le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame et corriger les fautes de français. Yeah. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas. Solitude plurielle, dans ces métropoles jumelles, à trop gré le gravier, on oublie le goût du miel, vision d'un monde où leur touche de clavier, la mélodie sonne faux, comme tout ce qui sort de leur bouche, ça sent le fauve, sur le pavé de mon enfance, on était blanc, noir, arabe, c'est pas que j'insiste, et le bac à sable, l'histoire commence comme une blague raciste. nos vices conjuguent, les cultures s'entrechoquent. On juge, on enterre le passé, au futur, ce que chantent les chocs. Et Marianne rature nos thèses. Moi j'ai l'impression que nos raps sont des pansements sur une prothèse. La température grimpe, la justice fait tapisserie. On est passé, touche pas à mon pote, à Islam et pâtisserie. Derrière les murs, entre guillemets, tu comptes les murs. Suspension. Pareil que t'es prêt. Vu que tes origines sous tension, chante le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame, corriger les fautes de français. On s'explique les choses, mais on s'écoute pas. On parle le même langage, mais on se comprend pas. On avance dans la même direction, mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble, mais on se connaît pas. On s'explique les choses, mais on s'écoute pas. On parle le même langage, mais on se comprend pas. On avance dans la même direction, mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble, mais on se connaît pas. Yeah. On s'écoute pas. Mais on s'écoute pas. On ne se comprend pas. Yeah. On ne se suit pas. Ok. On se connaît pas. M'entends-tu? Non. Quand je te parle, me suis-tu? Quand je parle, me ressens-tu? Quand je te palpe, me vois-tu? Malgré l'écart, y'a tellement de fautes de français qu'on a du mal à se comprendre. Séparé par la virgule, comment veux-tu qu'on s'entende? L'écriture du manchot, c'est écrit entre les lignes. Apparence entre parenthèses, quand on crie et se vide. On s'explique les choses, mais on s'écoute pas. On parle le même langage, mais on se comprend pas. On avance dans la même direction, mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble, mais on se connaît pas. Yeah. On s'explique les choses, mais on s'écoute pas. On parle le même langage, mais on se comprend pas. On avance dans la même direction, mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble, mais on se connaît pas. On se connaît pas. Non. Yeah. On s'écoute pas. Porte ton coup. On ne se comprend pas. On se comprend pas. On ne se suit pas. Yeah. On se connaît pas. Ok. 2-0-15, 16, 17, 18. Ok, Monsieur Bors, Requiem. On a grandi ensemble, mais on se connaît pas. Non. Yeah. À l'instant, le live, c'est vrai que ce morceau résonne un petit peu différemment, même quand on l'écoute là, particulièrement aujourd'hui. Ouais, et en plus, c'est un morceau qui est bien. Là, il fonctionne bien en ce moment. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai envie de dire, malheureusement. Ouais, malheureusement, il fait écho à l'actualité. C'est bien. C'était quoi d'ailleurs de partir de quel constat quand vous avez écrit ce morceau? Ça partait déjà de là, ce côté où on vit dans le même milieu. Moi, j'avais envie de parler de cette unité française qui est souvent utopique, parce qu'on la met comme ça, voilà, on dit oui, la France, black, blanc, beurre, tout ça. Mmh. Non, à un moment donné, il faut arrêter les slogans et il faut que ça soit concret. Il faut que ça soit concret dans le réel, pas que dans les slogans, tu vois. Il suffit pas de dire qu'on est unis, il faut le faire. Est-ce que t'es positif d'ailleurs, toi? Est-ce que t'es pour la suite, Lino, ou t'es un peu... Bah, il faut avoir confiance. Est-ce que t'as confiance ou pas, c'est à nous de le faire. Moi, je pense qu'il faut rester confiant parce qu'on a des enfants. Et les gens, il faut encore des enfants. Il y a des enfants qui vont encore à l'école, donc il y a de l'espoir. Donc, franchement, on n'a pas le choix d'être positif. Tu sais, à un moment donné, s'il y a un grand poète qui disait... qui s'appelle Michael Jackson. Qui disait, sur le moonwalk. Si tu veux changer le monde... Ah, tu regardes le mec dans ton miroir. Mmh. Tu changes déjà toi-même. Ouais. On change nous-mêmes, on change notre entourage, on fait les choses nous et on avance. Faut pas attendre toujours par rapport aux politiciens, la gauche, la droite, on s'en fout. Tu vois, à un moment donné, c'est nous. Donc il faut nous avancer et faire les choses concrètes. Je pense que c'est ça, et comme ça, on avancera plus vite. Non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous, et moi aussi, voilà, j'ai envie de laisser à mes enfants une espèce d'unité. Exactement. À mon fils qui est là. À ton fils, ton calbo. Il y a Eden qui est là. Ouais. Eden, tu veux dire un mot? Une spéciale Mamouchka. Une spéciale pour Mamouchka, c'est sa mère, Mamouchka. Yes. Et voilà, le morceau qu'on écoutait en live à l'instant, Faute de français. Ouais, écoutez bien le morceau, mais c'est vrai que voilà, c'est aussi un des très gros morceaux de l'album régulier. Ouais, voilà. Qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Jeffrey. 2015 démarre bien. Ah bien, cousin. Skyrock t'invite sur le Cosmotour de Soprano dans toute la France. Salut Sabrina de Ronc. Salut Fred. Salut Lino. Salut toute l'équipe. Yes, oui. Ça va bien, Sabrina? Ça va très bien, je suis très contente de vous avoir. En plus, aujourd'hui, parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Sabrina, tu lui as acheté le CD. Tu lui as acheté le CD. Comment il s'appelle? Il s'appelle Haroun. Haroun. Haroun Tazi. Bah, joyeux anniversaire, Haroun. Et bon merci. Anniversaire. Et Calbo demandait. Est-ce que tu lui as fait le CD de Requiem en cadeau? Est-ce que tu merci beaucoup. Ah non. Elle a cru que tu lui faisais. De rien, de rien. De rien. Mais Calbo, quelle générosité. De rien. Bah oui, non, mais on lui envoie à la sœur. Faut envoyer le. On va l'envoyer. Un coffret pour la sœur, pour Haroun, tout ça. Bah écoute, Sabrina, putain, tu es refaite. Tu as même le coffret qui va avec. Ah, voilà. Bah, j'hésite même à te faire tourner la roulette, hein. Ça y est, t'as déjà tout eu. Ah non, non. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. D'accord. Et la roulette, c'est un voyage à l'île Maurice. Offert par Lino et Tefa. Oh, Tefa, il est loin, on peut tout lui demander là. Je regardais le chat là. Excuse-moi Sabrina, je reviens à toi tout de suite, hein, mais nous avons un petit problème juste pour expliquer parce qu'il y a des images qui arrivent dans le studio. On a vu un bête de chat. N'est pas drogué, je rassure sa famille, hein, c'est pas d'un seul coup dans le planète rap de Lino, ils voient un... Oh, j'ai vu le chat. C'est qu'il y a des photos qui arrivent dans le studio et il y avait un chat, en effet un très joli chat qui arrivait. Et Tefa bloqué sur le chat. Bon, Sabrina, pour revenir à toi, c'est deux places pour aller voir Soprano, évidemment. Concert et grosse tournée. Bah, tiens, on va parler de réunir tout le monde. Sopra, il le fait déjà depuis plusieurs années. Et son Cosmo Tour, on est la preuve. T'as deux places pour aller voir Cosmo Tour de Soprano, Sabrina. Ok, merci beaucoup. Je veux juste faire un petit bisou à mon neveu qui m'écoute, Omar. Bisous. Eh bah, bisous, Omar. Eh bah, pareil, okay. Bon anniversaire au fiston. Omar, big up, Omar. On a fait toute la famille, je crois, Sabrina. Ok, merci beaucoup. Ciao. C'est le chat, il s'appelle Killer. Ah, le chat. Je veux faire une dédicace aussi pour ma daronne. Ah. Hein, pour la madré. Ah, bah, ça, c'est très important. Madré, justement. Allez, écoute, et pour ma mareuse Patricia. J'espère qu'on lui a livré sa voiture aujourd'hui, normalement. Ouais, je vais régler ça avec l'enfoiré qui devait la livrer. Il y en a aussi une pour ma mari. C'est Roro. Attention, ma mari, ma main Stockman et sa chicha magnifique à Shakespeare, à Nancy. Hein, il doit nous écouter aussi. Il me dit la Pocahontas, c'est mon tennis club de vie. Il est bon, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui? T'as quoi encore? J'ai ma feuille. T'es payé à la dédicace. Calbo, t'as eu des cours gratos ou quoi? Il est payé à la dédicace. Qu'il a eu des cours gratos. Et donc, surtout, n'oubliez pas d'acheter l'album Requiem, qui est dans les bacs, un album magnifique. D'accord. Et prenez-vous en photo avec. Faites la photo, surtout. Et merci. On va remettre dans les bacs, parce qu'il n'y en a plus, là. Non, mais dès demain, c'est arrangé. Bah, a priori, hein, Tefin. En principe. Tefin, on t'a perdu avec le chat, je sais pas, il y a eu un truc. Ah, non, j'ai comment t'as vrillé, je sais pas si c'est possible. L'amour d'un chat. Il a kiffé le. N'importe quoi. Il a kiffé le style du chat. Le chat, il avait un poil soyeux, un bit de style. Allô Fred, ça l'a fait rêver. Merci à vous, monsieur. Merci Fred, à Doku. Monsieur Fred. Attends, est-ce que je salue Doku côté qui là. Ceux qui cherchent des CD, bah vous pouvez me contacter. Ah oui, dans le coffre, dans son coffre. J'ai mis un Viguel Bell, vous passez. Il y a un camtar. Doku, merci à toi. On rappelle qu'on peut pour l'instant te suivre sur le net. Et là, qu'il y a que 2015, il y a un projet qui arrive aussi. Exactement. Donc d'ailleurs, c'est bien que Sefi vous l'ait appelé. Donc gros big up à lui parce que je suis avec dans la même structure. Au passage, ouais, il y a un album en préparation, il y a des petites collaborations comme ça, donc voilà, il y a du mouvement. Et on sera toujours présent pour passer des messages. D'ailleurs, tu me remercies, moi je remercie Lino parce qu'il m'a donné la chance de pouvoir passer un message. Yes. Le jeunesse aveuglé. Non, mais là, c'est moi, il y a pas de souci. C'est un gros artiste, Doku, et c'est un gars qu'il faut suivre, quoi. Il a des vrais textes. Donc, allez sur YouTube, sur la page artiste, etc. Gros merci Doku à tous les gens qui Jackson, mes collègues de travail, la famille, mon cousin, force, yes. Frère. On est là. Et ben merci MGS, à toi, Doku. Ouais. Lino de retour entre 20 et 21 demain. Ouais, et je fais un gros bisou à Amina et à Marina. Gros bisous. Et puis à maman, on l'a dit aussi. Ouais, maman aussi, ouais, c'est bon, elle est là, maman. Elle est... Grosse elle dédicace. Elle a eu déjà le truc. Tefa, une okay. Dédicace à Killer le chat, non? Ouais, grave. Dédicace au chat. J'ai vu que t'appelais Killer. Bon, ça, il s'appelle Miaous. Miaous. Contacte-moi en PV. Miaous. J'en recherche. Prends son Facebook. Merci. Prends le Facebook du chat. Merci. Merci à vous. On se retrouve demain un peu avant 20h. Yes. Et là, dit full, normalement, est connecté. Avec toute l'équipe, j'ai dit normalement. Donc, là, ils sont pas connectés. A priori, ils sont pas connectés. La radio libre de Difool qui va. Voilà, c'est une connexion. Ah, voilà, c'est connecté, bon. Connecté. Voilà. Ah, ils n'étaient pas connectés. Bah, ça y est, on est branchés. Merci Lino, merci Fredo. Yes, merci à tous ceux qui sont passés soir, demain soir, 20h, oui. Le rendez-vous. Hein, on n'oublie pas. Ah, ouais. Bisous la Marie. Bisous. Allez, tu pour la Marie. Ouais, Cédric qui veut des bisous, les gars. Marie, t'étais pas dans la vente de chats aussi parce que Tefa, il recherche des animaux en ce moment. Il cherche un chat. Non, je n'étais pas dans la vente. Il a besoin de compagnie en ce Un chat angora. Bon, en tout cas, pour le bisou, je lâche Cédric dans le couloir. Dès que vous sortez, vous lui faites tous un bisou. Ah, j'arrive, ouais. Les gars. Oh, non, dégueulasse. Cédric, t'es où? Je suis pas loin. Excusez-moi, il y a un son qui est parti, c'est Soprano. Ouais, là, qui va arriver. Remets-nous des glaçons. On va remettre des glaçons. T'as offert les places, Fred? Ouais. Ça y est, c'est tombé là à l'instant, Sabrina. Eh ben, nous, ça nous a donné envie d'écouter Sopra ce soir. C'est une bonne idée. Eh ben, on va démarrer avec. Merci Lino, merci Fred. Ciao, ciao. Le Planète Rap, le retour, c'est demain, 20h, 21h sur Skyrock. Et là, attention, toute l'équipe est là. Marie, présente. Oui, je suis présente. Cédric. Ouais, OP. Ouais, Romano. Oui, je suis là. Samy. Bonsoir tout le monde. Prêt à suivre le match PSG Saint-Etienne? À Saint-Etienne surtout. Ouais. Fredo, PSG Saint-Etienne ce soir. Hein. Ouais, bah alors. Ah, bah alors, on va voir. Est-ce que Paris va continuer de plonger dans la crise? On va voir. Ouais, tu veux qu'on parle de Marseille? Non, ça va. Ok, voilà. Au passage. Bon, je te remercie. Karim et Momo aussi sur le foot, ils se débattent avec la télé. Puis on suit ça dans un instant là sur Skyrock. Préparez-vous. Et Radio Libre, vous nous appelez dès maintenant. Et Soprano, tu nous as donné envie, Fred. Bon, on va l'écouter. Bonne idée, c'est parti. Salut Lino, salut Fredo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Tous les matins, avec le Morning de Difool sur Skyrock.